Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, et nous sommes rendus ce matin, je pense, au verset 12. 2, 12. On va lire jusqu'au verset 16. 12 à 16. Et quelqu'un voudrait le lire? Vous pouvez le lire à partir de là ou dans votre Bible? OK, Marcel, la va le lire. Un homme, un jour, qui va voir, son psychologue, puis il dit, j'ai des troubles, je suis perturbé à cause de ce que j'ai fait. Il dit, il y a quelque chose dedans de moi qui m'accuse tout le temps, puis ça me fatigue, parce que je sais que je ne fais pas toujours ce que je devrais faire. Le psychologue, il dit, est-ce qu'on peut ensemble travailler, regarder à des choses que tu pourrais faire, qui pourraient t'aider à faire ce que tu voudrais faire. Oh, il dit, non, il dit, c'est pas ça que je veux. Il dit, j'aimerais, est-ce que tu m'aides, est-ce que la petite voix qui est en dedans arrête de me le dire. Il ne voulait pas arrêter de faire ce qu'il voulait faire, il voulait juste avoir moins de mal après l'avoir fait. Il voulait se sentir moins coupable, il voulait se sentir moins pogné à l'intérieur. Et souvent, à cause de ce qu'on... Ce qu'on est en train de faire, on voudrait ça. On voudrait que ça fasse moins mal. Et ce matin, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle la conscience. La conscience. Parce que l'apôtre Paul est en train de vouloir démontrer que le monde entier est inexcusable. Et le monde entier essaie de démontrer qu'il n'est pas coupable. Hein? On est très fort pour se justifier. On est très fort pour trouver des excuses à ce qu'on fait. On est facile à culpabiliser les autres. Mais pour nous-mêmes, on a toujours une raison, à quelque part, valable pour avoir fait ce qu'on a fait. C'est la faute de l'autre, c'est la faute de celui-là, c'est le gouvernement, c'est mes parents, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. Il y a toujours quelqu'un en dehors, quelque part, qui est responsable de ce que j'ai fait, dans le fond. Mais moi... En psychologie, on appelle ça la psychologie de la victime. Je suis une pauvre victime. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Ça a commencé, ça fait bien longtemps de ça, hein? Quand Dieu a regardé Adam, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, c'est pas moi, c'est le diable. Il y avait toujours un bouc émissaire à quelque part, c'est pas moi, je suis pas responsable. Et c'est vous ce que Dieu a fait? Il a puni le diable, il a puni la femme, il a puni le bonhomme. Les trois. Il dit, vous êtes responsables, les trois. Vous n'êtes pas inexcusables, vous êtes coupables, les trois. Et l'apôtre Paul, pendant chapitre 1, au verset 18, jusqu'au verset, chapitre 3, verset 21, il va essayer de démontrer la culpabilité de la race humaine dans toute son histoire. À la fin, il n'y a pas personne qui peut dire... Ben moi, je ne suis pas coupable. Paul, il a dit, tous ont péché. Il dit, première chose qui rend l'homme, l'être humain, inexcusable, on a vu que c'était la nature. Pendant que j'étais en train de parler avec le monsieur, sur le bord du chemin, on était dans un beau site, sa maison est superbement bien placée, sur le bord d'un beau lac, les montagnes, tout à vert, là, c'est vraiment la pelouse, c'était bien coupé, un beau grand jardin, des pommiers, tout était vraiment super beau. Et j'ai demandé à un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et il m'a fait la réponse, avec ce que je vois, je suis obligé d'y croire. Voyez-vous? Même si c'est pas chrétien. C'est ce que l'apôtre Paul ici dit. Les perfections invisibles de Dieu sont visibles par ce qu'on voit autour de nous. L'homme est obligé d'arriver à quelque part et de dire, ouais, je pense qu'il y a eu nous qui disent un être suprême, le boss, le grand, l'homme, le gars d'en haut, on dit toutes sortes de noms. Mais la plupart des êtres humains vont arriver à la place de dire, oui, je crois que Dieu a créé le monde. Mais en même temps qu'il disait ça, il a dit par la suite, « Mais je ne suis pas pratiquant. » Voyez-vous la folie de l'être humain? Il y a un Dieu qui m'a créé, mais je ne veux pas pratiquer. C'est ce qu'on a vu, hein, verset 1, verset 18 jusqu'à 29. L'homme s'est détourné du Créateur pour adorer la créature et servir la créature. Et à cause de ça, Paul il dit, l'être humain est inexcusable. Il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais il ne l'adore pas, il ne le glorifie pas comme Dieu. La deuxième raison qu'on a vue la semaine passée, c'est que l'homme est inexcusable parce que l'homme condamne ses semblables. Juste le fait que l'homme se fait des lois et qu'il punit ceux qui ne font pas ces lois-là, il se condamne lui-même parce que lui-même ne fait pas les lois qu'il a mises en place. Donc l'homme, dans sa tête, dans son cœur, sait qu'il est condamnable parce qu'il condamne les autres. Quand quelqu'un te vole, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, c'est pas un problème, tu peux prendre l'autre morceau qui va avec? Tu le condamnes, tu dis, c'est pas correct ce que tu as fait là, tu devrais pas voler. Et si tu es à la capacité, tu vas essayer de revoir ton bien qui t'a volé. Et si la police va peut-être l'arrêter, la police va peut-être la mettre en prison. Mais toi aussi, quand tu voles, tu mérites la même chose. Et qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais pris ce qui appartient à l'autre? Moi, je me souviendrai toujours, une fois, j'étais sur ma ferme, puis un homme qui vient me voir, puis il me dit, « François, j'aurais besoin de toi. » Ah, je dis, « Si je peux rendre service. » Je peux te rendre service. Je suis devenu chrétien à ce moment-là. Ça aurait été un peu avant, ça n'aurait peut-être pas été la même réponse, mais j'étais devenu chrétien à ce moment-là. Et il dit, « François, il dit, je vais déclarer faillite, là, bientôt. » Mais il dit, « Ta grange est vide, je vais venir cacher du stock dans ta grange. » Fait qu'il dit comme ça, il dit, quand les gens vont venir saisir, eh bien, ils ne trouveront pas ça. Je ne vais pas le vendre après. Puis là, mais j'étais devenu chrétien, fait que je ne pouvais pas vraiment embarquer là-dedans. Fait que j'ai dit, mon ami, j'ai dit, ouais, à qui tu dois cet argent-là? Il dit, à la caisse populaire. Ben, il dit, j'ai dit, tu trouves ça drôle que l'argent que tu as emprunté, c'est mon argent, parce que moi, j'ai de l'argent à la caisse populaire. Tu veux me voler? Puis tu veux que je participe à ton propre vol? Parce que l'argent que là, c'est l'argent à nous autres, là. On a placé là, notre argent. Puis là, tu veux voler mon argent, puis tu veux que je te vole, que je me vole moi-même, dans le fin fond. Bon, il dit, toi, t'es trop compliqué, là. Il dit, c'est trop compliqué. Il dit, tu veux pas m'aider, je l'ai. Mais je peux pas. Je pourrais pas faire ça. Parce que je suis en train de t'aider à voler. Mais j'ai dit par après, mais je peux pas te dire que je suis mieux que toi, parce que j'ai déjà volé en masse aussi. J'ai déjà volé en masse aussi. Mais si je ne vole plus aujourd'hui, j'essaye, au moins je condamne le vol comme étant pas de Dieu, parce que je suis devenu chrétien. Voyez-vous, lui, il pensait là, que c'était bien correct ce qu'il faisait là. Mais lui, il condamnait tous les voleurs, puis il disait que le gouvernement, c'était des voleurs. Mais lui, il ne se trouvait pas voleur à faire ça. Mais pourtant, il volait. On condamne les autres, et automatiquement, on se condamne soi-même. Et on a vu aussi que toutes les religions du monde condamnent ceux qui ne mettent pas en pratique leur religion. Et la plupart des mouvements religieux ont comme base, quoi? Les 10 commandements, même s'ils ne sont pas chrétiens. Les musulmans, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les mormons, tous ces gens-là ont comme base de moralité les 10 commandements. Puis ils condamnent haut et fort, du haut de la chair, et n'importe comment, avec des articles, des pamphlets, des papiers à la télévision, on condamne haut et fort le péché. Et en faisant ça, on se condamne soi-même, parce qu'on ne fait pas ce qu'on dit. Donc l'homme est inexcusable parce que l'homme sait qu'est-ce qu'il fait condamnant, parce qu'il condamne les autres. Donc, comment peux-tu dire que je ne suis pas coupable quand tu dis que tout le monde est coupable? Donc, automatiquement, l'apôtre Paul dit, tu es inexcusable. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est la troisième partie, c'est la conscience que Dieu a mis en vous. Rend les hommes inexcusables. Les femmes, les enfants, les gens sont inexcusables parce qu'ils ont un petit machin à l'intérieur qu'on appelle la conscience. Avez-vous des expressions qui vous viennent à l'esprit quand on parle de conscience? Des expressions qu'on dit souvent, je vais vous en donner une. Ça va contre ma conscience de faire ça. Hein? On dit ça des fois. Ça va contre ma conscience. Y a-t-il d'autres idées qui vous viennent, là? D'autres expressions? Avoir une bonne conscience. J'ai une bonne conscience. Avoir une bonne conscience, ça veut dire je me sens pas coupable là-dedans. Je suis correct, me semble, là-dedans. D'autres? On dit, il a la conscience large, lui. Il a la conscience large. En voulant dire, il n'y a rien avec lui. Les gens vont dire, oh, il n'y a pas de péché là, il n'y a plus de péché aujourd'hui. Il a la conscience large. On a une petite expression dans notre société qui dit, il n'y a rien là. Avez-vous entendu ça? Avez-vous déjà dit ça? Il n'y a rien là. Voyons, non, il n'y a rien là. On est en train de dire, là, c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est pas mal, il n'y a rien là. Arrive en 2003. Avez-vous d'autres choses? Avoir la conscience tranquille. Avoir la conscience tranquille, oui, c'est des expressions. Il y en a qui vont dire, il n'y a pas de conscience, ce gars-là. D'autres vont dire, ils ont une conscience élastique. On va dire, ça fait son affaire, il étire ça comme il veut. Il y a d'autres qui vont dire, avoir la conscience tranquille, on le dit, avoir de la conscience, avoir bonne conscience, on le dit, par acquis de conscience, par conscience professionnelle. On dit ça des fois. Hein? La liberté de conscience. Donc, c'est toutes des expressions qui viennent, qu'on entend dans notre société. Qu'est-ce qu'on veut dire par conscience? D'où est-ce que ça vient, cette conscience-là? À quoi ça sert, cette conscience-là? Et est-ce que la conscience va me condamner auprès de Dieu? Si je n'avais pas la nature, si je serais élevé dans le bois tout seul, est-ce que j'aurais de la conscience quand même? Si je suis élevé dans une famille ou dans une autre famille, dans un siècle ou dans un autre siècle, est-ce que j'ai de la conscience quand même? Est-ce que si je suis élevé parmi des tribus idolâtres très loin, est-ce que j'ai de la conscience aussi? Est-ce que tout le monde a une conscience? Est-ce que dans toute l'histoire de l'humanité, les gens ont eu de la conscience? Si oui, la conscience vient de où? C'est une notion du bien ou du mal. La conscience, c'est comme on le dit, c'est quelque chose qu'il y a dans le bain, nous autres. On l'appelle ça des fois une petite voix. On appelle ça, quand j'étais catholique, on disait le petit bonhomme blanc, le petit bonhomme noir. Hein, un petit ange blanc, un petit ange noir. C'est quelque chose qui est en dedans de nous autres qui fait qu'on se sent pogné quand on fait le bien ou qu'on fait le mal. Il y a un homme qui disait, il me semble que c'est Victor Hugo qui disait, la conscience, c'est ce qui nous rend le plus semblable à Dieu. Donc, il disait que la conscience, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Est-ce que l'animal a une conscience? Ben non. L'homme a une conscience. Et c'est dès le début, quand Adam et Ève ont péché, aussitôt qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sentis coupables en partant. Sans que personne ne leur parle, sans que Dieu vienne leur voir et dire « Hey, ce que tu as fait là, c'est pas correct! » Sans qu'un curé ou un pasteur ou un chef religieux quelconque ou une Bible quelconque ou un livre quelconque, ils ont dit « Hey, ce qu'on a fait là, c'est pas bien. » Se sont sentis coupables et sont partis se cacher. Quand Caïn a tué, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est senti coupable. Il s'est mis à mentir pour cacher ce qu'il avait fait. Il y avait quelque chose en dedans d'eux autres, même s'ils n'avaient peut-être jamais entendu le mot conscience de leur vie. Il y a quelque chose qui était en dedans d'eux autres qui faisait qu'ils voulaient se cacher parce qu'ils ont fait le mal. C'est pour ça qu'un enfant, tout jeune, tout bas âge, t'as pas besoin de leur dire ça. Et s'ils font le mal, ils ont tendance à vouloir se cacher tout de suite. Ils ont tendance à vouloir mentir. Ils ont tendance à dire, c'est pas moi, c'est lui. Ils le font automatiquement. Même Judas, après qu'il a livré Jésus, puis qu'il a eu les 30 pièces d'argent, puis Jésus était condamné, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est senti coupable. Il est parti jeter les pièces dans le temple, puis il est allé se pendre. Sa culpabilité était tellement forte qu'il est allé se pendre. Lui, tout, il avait une conscience, Judas. Lui, tout, il avait une conscience. Et sa conscience lui a fait sentir coupable. Et chacun de nous, on a une conscience. On a ce petit machin en dedans de nous autres qu'on ne sait pas c'est quoi vraiment. Hein? C'est-tu physique? C'est-tu une glande? C'est-tu de la matière? C'est-tu juste dans l'esprit? C'est-tu juste quelque chose d'immatériel? C'est-tu ce qui va partir de nous, mais qu'on part, mais qu'on meurt? T'sais? L'âme, l'esprit, ça fait-tu partie de ça? C'est dur, hein? Puis ma conscience, puis la tienne, elle peut être différente. L'apôtre Paul dit qu'il y en a qui ont une conscience endurcie. Il y en a qui disent une conscience flétrie dans la Bible. Ta conscience peut être plus étroite que la mienne, puis la mienne peut être plus large que la tienne. Mais de quoi ça dépend, ça? On va regarder ça un petit peu. Mais on a toute une conscience. Il y en a qui ont une conscience plus développée que d'autres. Mais tout de même, on a tous une conscience. Et ici, l'apôtre Paul va dire que la conscience, à cause qu'on en a une, on devient inexcusable devant Dieu. Dieu pourrait juste dire, ta conscience te le disait que c'était mal, puis tu ne l'as pas écouté. Tu ne l'as pas écouté. Tu l'as plutôt repoussé, ignoré, parce qu'on peut endurcir notre conscience. On peut, fausser notre conscience. Un peu comme je pourrais dire, je peux mettre des tampons dans mes oreilles, puis je bouche mon ouïe, mais pourtant j'ai un ouïe. Mais je la bouche avec des tampons. J'ai tout de même un ouïe. Dans les versets qu'on a lus, la conscience condamne ceux qui ont la loi. Ça veut dire ceux qui sont nés dans une religion, dans un pays, dans un siècle, où les gens ont la loi. La loi ici, c'est, on pourrait mettre conscience avec la Bible, avec l'arrière-plan chrétien, religieux. Ici, il compare les juifs avec les non-juifs, les grecs, les païens. Il dit, vous qui êtes nés avec la loi de Dieu, votre conscience vous condamne à partir de la loi. Vous le savez, ce que la loi dit. Une des choses que qu'Adam et Ève n'avaient pas décrit, mais Dieu lui avait dit quoi? Si tu manges de l'arbre, tu mourras. Et Dieu avait dit, ne mange pas de l'arbre. Ne mange pas de ça. Touche pas à ça. Tu dois manger n'importe quoi. Mais touche pas à ça. Et il s'est senti, aussitôt qu'il l'a fait, il savait qu'il allait contre la loi. Il y avait une loi, là, hein? Mange pas de l'arbre. Et sa conscience l'a tout de suite culpabilisé. Tous ceux qui sont nés avec la loi, dit au verset 12, périront aussi. Excusez, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc Dieu pourrait mettre les 10 commandements devant toi, mais tu meurs, puis te demander, as-tu observé ça? Tu seras obligé de dire, ben non. La loi n'a pas été donnée pour qu'on se sauve par elle. On va voir ça dans chapitre 3, verset 21. La loi a été donnée pour qu'on se sente coupable. Pour qu'on voit qu'on était des pécheurs. Nous, on a notre folie, on a fait mettre notre conscience de côté, puis on a essayé de se convaincre qu'on était capable de le faire, puis on a essayé de convaincre tout le monde qu'on est capable de le faire. Plus tu connais la loi, plus ta conscience va te faire sentir coupable quand tu fais quelque chose. Parce que tu la connais bien, la loi. Et les Juifs se sentaient coupables. Les pharisiens se sentaient très coupables. Pourquoi vous pensez que l'Église catholique ou d'autres mouvements, c'est d'autres choses, je ne l'appelle pas de la même façon? J'ai vu lu des livres sur des vieilles religions qui, après la mort, il y a un temps de souffrance, comme le purgatoire dans l'Église catholique. Pourquoi ils ont inventé ça? Pourquoi d'autres religions, après qu'ils sont morts, vont passer par des difficultés, vont avoir des tests. J'avais lu une fois qu'il y a un grand pont à traverser, puis il y a des bébites à combattre, puis tout ça d'affaires. Pourquoi il y a toutes ces souffrances-là après la mort? L'homme se sent coupable. Il sait, à son fond intérieur, qu'il ne mérite pas la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il invente des choses pour calmer sa conscience. En psychologie, ils appellent ça le syndrome de la souffrance, de la maladie. L'homme sait qu'il mérite d'être puni, puis il veut être puni. Il veut être puni. Puis quand tu as été puni, tu te sens moins coupable après. Tu as payé ta dette, tu te sens moins coupable. Beaucoup de mouvements religieux, tout ce qu'ils essayent de calmer par leur sacrifice, par tous les rituels qu'ils font, c'est de calmer leur conscience. Calmer leur conscience. Tous ceux qui vivent par la loi périront par la loi. La conscience les accuse. Vous savez, quand quelqu'un me dit, je me souviens une fois, il y avait venu quelqu'un chez nous, puis il m'a, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse selon toi pour être sauvé, pour aller au ciel? Et il m'a dit, ben, il faut que tu mettes les 10 commandements de Dieu en pratique. Et je lui ai répondu, si c'est ça, il faut que je fasse. Je ne suis pas capable, je suis complètement découragé, je n'arriverai jamais à le faire. Je ne veux pas embarquer dans ta religion. Je ne veux pas aller avec toi. Mais il dit, faut que tu essayes. Mais non, non, non. Il dit, essayer, ça, c'est pas le faire. Tu sais, je peux bien essayer d'élever 50 livres, mais si je ne réussis pas à l'élever, je ne l'ai jamais levé. Même j'essayerai. Dieu n'a pas dit essayer de faire la loi. Il dit quoi? Faites la loi. Dieu n'a pas dit essayer de ne pas manger la pomme. Il dit, mange pas la pomme. Si tu en manges, tu meurs. Mais j'ai essayé. Non, non, ça, tu ne peux pas dire ça au Seigneur. J'ai essayé. Non, non. Il n'a pas dit d'essayer, il a dit de le faire. Si tu ne le fais pas, tu meurs. J'ai dit, si c'est ça que ta religion demande de faire, tu devrais leur dire que tu n'es pas capable. Comme je ne suis pas capable. Aussitôt que quelqu'un met devant vous une loi, vous pouvez leur dire, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'arrive pas à faire la loi. J'arrive pas. Je t'en aide, j'arrive pas. Parce que si tu dis que tu es capable, si tu penses que tu es capable, tu vas essayer de trouver des moyens pour ne pas te sentir coupable quand tu ne le fais pas. Tu vas essayer de trouver des moyens. C'est ce que les pharisiens faisaient. Et quand vous regardez les pharisiens hein, dans la Bible, ils s'étaient mis un paquet de règlements et de lois humaines en dehors des 10 commandements de Dieu. Pauvre fou qu'ils étaient. Excusez l'expression. Il y en avait pas assez de 10. Ils en ont mis des centaines. Il semblerait qu'il y avait au-dessus de 600 règles juste pour le jour du sabbat. Il y a un rabbin qui a dit, plus on essayait de le faire, plus on se sentait fatigué. Pourtant, c'était supposé être une journée de repos. Parce que plus tu mets de règles, plus tu mets de lois, plus tu vas te sentir coupable parce que tu ne seras pas capable de les faire. Quand l'Église catholique a mis 10 commandements, elle a mis en bas 7 autres commandements. Ça me faisait juste 7 occasions de pécher de plus souvent. Parce que je n'étais pas capable de les faire plus les autres 7. Moi, je peux vous dire, Adam et Ève, il y avait un commandement. Il était dans le paradis. Il n'y avait personne d'autre pour les influencer. Ils étaient parfaits avant. Ils ont tombé quand même. Il y avait juste un commandement. Juste un. Ils ont planté quand même. Imaginez-vous, nous, qui sommes pécheurs de nature, qui vivons dans un monde de pécheurs, qui a des commandements pleins que Dieu a donnés, quel espoir qu'on pourrait avoir? Aucune. Aucune. Aucune. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre que plus je vais vouloir faire la loi, plus ma conscience va m'accuser. Je ne dis pas qu'elle ne fait pas sa job. Oui, elle fait bien sa job, il faut qu'elle fasse ça. Mais ma conscience va me le dire. Donc, je devrais dire tout de suite, même en tant que chrétien, dire, oups, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, n'allez jamais contre votre conscience. Même en tant que chrétien, il faut obéir à notre conscience. Dis-moi, ma conscience, elle peut être juste ou fausse. Mais il faut que j'obéisse à ma conscience. Quiconque fait quelque chose contre sa conscience, l'apôtre Paul dit, quoi ce qu'il fait? Il pêche. Oublie ta conscience. Ta conscience peut te tromper. Ta conscience peut dire, c'est pas mal ça, puis ça peut être mal. Ta conscience, elle peut dire, c'est bien ça, puis ça peut être mal. Ou elle peut dire, c'est mal, mais ça peut être bien. Ta conscience, tu dois, on va voir ça, faut la placer, faut lui donner une forme, faut lui donner un contenu. La conscience, c'est le petit instrument que Dieu nous a donné en dedans de nous autres pour qu'on puisse être capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais comment je la forme, cette conscience? Quand je vais au monde, là, si mes parents me disent ça c'est bien et ça c'est mal, est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me nuit? Quand les missionnaires sont arrivés dans les tribus africaines où tout le monde était nu, les autres sont arrivés habillés. Pensez-vous que les gens qui étaient nus, de toute leur vie, toute leur génération étaient nus, ils se sentaient-tu coupables d'être nus? Ils se sentaient-tu coupables, eux autres? Ben non. Mais est-ce que c'était bien ou c'était mal? Mais ils ne se sentaient pas coupables. Je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas de mauvaises pensées qui les passaient par la tête, en tant que femme ou homme. Mais ils ne se sentaient pas coupables d'être nus parce que tout le monde était nu, puis ils n'ont jamais eu d'autre chose que des gens nus autour des autres. Mais notre culture peut nous mettre notre conscience bonne ou mal. Aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve à côté aujourd'hui, dans sa tête, c'est pas mal. Parce que tout le monde le fait, 80-90% des jeunes s'accotent. Donc, ils ne se trouvent pas sur coupables. Mais, dans le fond, si les parents lui ont dit, mais c'est pas bien, c'est mal, Dieu ne veut pas, et que tranquillement, l'enfant va se sentir coupable. Le jeune va se sentir coupable. Il peut bien nier ça, il peut refouler ça, il peut essayer de se convaincre par une logique, par un argument quelconque, et faire taire sa conscience. Mais si tu lui as dit que c'est mal, oups, là, il y a quelque chose qui te dit à l'intérieur, hey, c'est peut-être pas correct ce que je fais là. Une de mes sœurs qui n'était pas pratiquante du tout, et quand elle a eu son premier bébé, elle l'a fait baptiser. Et j'ai demandé, pourquoi tu l'as fait baptiser? Tu n'es pas pratiquante. Mais je ne voudrais pas me sentir coupable s'il arrive quelque chose. Voyez-vous? Elle s'est fait dire tellement longtemps par la religion, par ses parents, que l'enfant, s'il mourait et qu'il n'était pas baptisé, elle est au limbe. Elle ne voulait pas avoir ce risque-là, ce fardeau-là sur son dos. Elle ne voulait pas se sentir coupable de ça. Donc, elle l'a fait. Il ne peut pas se sentir coupable. Parce qu'il y avait quelque chose dans sa tête. Donc, la conscience, on l'a tous. Mais il faut la former. Il faut une conscience qui est vivante, je pourrais dire. Parce que l'apôtre Paul, il dit, leur conscience est morte ailleurs. La conscience est endurcie, comme une roche. On peut devenir comme ça, hein? La première personne que tu tues, semblerait, je n'ai jamais tué une, avec mon fusil, c'est moins traumatisant. Ça l'est-tu moins? Ben non, si toi t'endurcis ton être intérieur. On peut se dire des choses, on peut se convaincre de choses, puis de dire, ça c'est pas que c'est correct, et c'est pour ça que notre conscience, il faut toujours, elle est là, elle nous avertit, c'est bien, c'est mal, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il faut évaluer ça à travers les Écritures. Si toi, tu dis, « Mais ce que je fais là, François, c'est pas mal. » Ta conscience, elle peut te le dire vraiment que c'est pas mal, et toi, tu te sens pas coupable de le faire. Et moi, je suis au côté en tant que chrétien, puis je te dis, « Ben voyons donc, c'est mal, tu devais te sentir coupable. » Mais lui, tout de suite, tu peux dire, « Ben non, ma conscience, elle me dit que c'est correct. » Ça peut être très vrai pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre Paul dit ça dans les Corinthiens. Hein? Il y a des Corinthiens qui mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles. Puis ils ne se sentaient pas coupables pantoute. Puis il y a d'autres chrétiens, quand ils en mangeaient, ils se sentaient très coupables parce qu'ils disaient que ça a été sacrifié aux idoles. On ne devrait pas manger ça, puis ils se sentaient coupables dans leur conscience. Et l'apôtre Paul dit, si tu te sens coupable, mange-en pas. Puis il dit à l'autre, si tu ne te sens pas coupable, ben mange-en. Mais en même temps, tu dois évaluer. S'il y a un principe biblique que tu enfreins, et tu enfreins un principe biblique que ta conscience te dise bien ou mal, tu dois dire, il y a un principe biblique qui dit ça, là. Il faut que je change ma conscience. Il faut que je transforme cette conscience-là et dire, Dieu a dit que c'était mal, donc c'est mal. Mais attention, je peux mal comprendre les Écritures et dire, Dieu a dit que c'était mal, puis il n'a pas dit que c'était mal. C'est moi qui ai compris que c'était mal. Ma conscience est un instrument que je dois remplir de connaissances. La société dans laquelle je vis peut m'influencer beaucoup. Mes parents vont influencer ma conscience. Moi, je peux m'influencer moi-même. Les études que je vais faire vont m'influencer. Il y a des gens qui se sentent coupables s'ils font telle action ou qu'ils mangent telle affaire ou qu'ils ne font pas telle affaire parce que leur culture leur a dit ça. Mais on doit toujours vérifier si notre conscience fonctionne bien. Parce qu'elle est là pour ça. Me dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Quand les Juifs ont tué Jésus, ils se sentaient-ils coupables? Pas tout, ils pensaient qu'ils avaient fait une bonne action. Selon eux autres, un faux prophète devait être tué. Puis l'apôtre Pierre, il leur dit au chapitre 3 dans les Actes, il dit, « Je sais que vous avez agi par ignorance. » Mais il dit, « Vous êtes mieux de vous repentir parce que vous allez être condamnés. » ça n'enlèverait pas le péché. Même si ma conscience me dit que c'est correct, ça ne veut pas dire que c'est correct. Donc, il faut toujours évaluer. Puis plus je vais connaître les Écritures, plus je vais enseigner à mes enfants les Écritures, peut-être qu'ils vont pas, ils vont peut-être refouler, ils vont peut-être dire non à ça, ils vont peut-être dire non, je veux pas, mais ça va être là dans leur tête maintenant. Et la conscience qui est là, l'instrument de Dieu, peut utiliser ça pour les guider dans leur vie. Les conduire, ça peut être 5 ans, 10 ans plus tard. Il y a un de mon garçon, la semaine passée, il vient me voir, mon Jérémy, puis il dit, papa, il n'est pas chrétien, vous savez qu'il n'est pas chrétien. Il dit, papa, je suis bien content que tu nous as élevés comme ça. Et je rencontre des jeunes aujourd'hui là, qui n'ont pas une bonne compréhension de la vie. J'avais envie de partir quasiment à pleurer et à rire en même temps. Je disais, comment tu peux dire ça? Mais toi, tu lui se voyais à part des autres. Mais dans sa tête, là, il y a des choses enregistrées. Des choses enregistrées. Et il sait des choses. Sa conscience le guide, lui dit bien ou mal. C'est jamais perdu ce qu'on met là-dedans. Ce qu'ils enregistrent quand ils sont jeunes, là, c'est jamais perdu. Je ne dis pas que ça va toujours faire l'effet qu'on voudrait que ça fasse, mais c'est jamais perdu. Si on n'y met pas rien, mais là, ils vont avoir juste les données du monde dans leur tête. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous tente de nous dire ici ce matin? Tu as une conscience. Et la conscience, c'est universel. Tout le monde en a. En grandeur du monde. L'homme va être déclaré coupable s'il n'écoute pas sa conscience. Et c'est ça qu'il dit, hein? Il dit, celui qui n'a pas la loi, qu'est-ce qui arrive à celui qui n'a pas la loi? Il dit, lui, il va être condamné aussi. Parce qu'il dit, même le païen dans sa tête, il a une conscience qui l'accuse, qui vous dit qu'il n'est pas correct ou qu'il est correct. Même le païen qui n'a jamais eu la loi de Dieu, qui n'a jamais eu la Bible, qui n'a jamais eu de parents chrétiens, lui-même, il y a quelque chose en dedans de lui, dans sa société, dans son monde alentour, le fait sentir coupable à cause des lois qu'il y a autour de lui. Parce que n'importe quel pays, n'importe quelle tribu, n'importe quel peuple a des lois morales. Et leur conscience leur dit qu'ils sont bien ou mal. L'apôtre Paul dit, ça s'accuse hein, et ça se justifie à l'intérieur. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, peu importe où il se trouve sur la terre, s'il écoute sa conscience, ça vaut qu'une chose, il va venir au Seigneur. C'est une question de temps, il va venir au Seigneur. S'il se sent coupable et qu'il dit « Je suis incapable de faire le bien », il va chercher le salut. L'être humain ne cherche pas le salut, c'est parce qu'il endort sa conscience, qu'il durcit sa conscience, puis là, il ne se sent pas coupable. Ou il fait des actions pour enlever cette culpabilité-là, au lieu d'avouer « Je ne suis pas capable de faire la loi de Dieu, je ne suis pas capable de faire le bien, je ne suis pas capable d'aimer ma femme, je ne suis pas capable d'aimer mes enfants, je ne suis pas capable de faire ce qui est correct. Donc, Seigneur, fais quelque chose! Aide-moi! Aide-moi, Seigneur, viens à mon secours! » Je ne sais pas quoi faire, mais j'arrive pas à faire. Je me souviens toujours d'avoir parlé au curé quand j'étais jeune. J'avais à peu près 14-15 ans, je sortais du confessionnal, j'ai parlé au curé, j'ai dit, j'arrive pas à faire ce que vous me demandez. J'ai dit au curé, peut-être de même, j'arrive pas. Vous me demandez de faire des affaires, je ne suis pas capable de le faire. Il dit, c'est ça la religion. J'ai tout rejeté ça, mais je suis devenu athée à ce moment-là. J'ai dit, mes parents sont pas capables de le faire. Vous, monsieur le curé, vous ne le faites pas. Les frères avec lesquels je vis ne le font pas. Il n'y a personne qui le fait. C'est une gang d'hypocrites qui pensent le faire, ils font semblant de le faire, mais ils ne le font pas. Je suis devenu athée. C'est pourquoi? J'étais incapable de faire ce que Dieu me demandait. Ça a pris 12 ans avant que j'entende l'Évangile. Et quand mon frère m'a dit l'Évangile, moi je suis sauté à haut de main. Parce que là, il m'a dit, tu peux être sauvé, François, même si tu n'es pas capable de faire toute la loi que Dieu t'a donnée. Je l'ai cru tout de suite. Moi, j'étais évangélisé un lundi, puis l'autre dimanche, j'étais à l'église, je vais m'arrêter. J'étais tellement heureux d'entendre qu'il y avait un moyen d'être sauvé. Parce que je me sentais terriblement coupable de ne pas être capable de faire ce que Dieu m'a demandé. Avant besoin de me pécher de péché, je me sentais tellement pécheur, tu vois. Qu'est-ce que ça peut nous aider à comprendre cela? Et peu importe à qui vous parlez, dans quel siècle, dites-vous, il est coupable, il est inexcusable parce qu'il a une conscience. Une conscience. On termine par un mot de prière. Notre bon Père du ciel, nous te remercions d'avoir mis en nous cette conscience. Et même si nous avons péché contre toi, cette conscience continue à fonctionner. Oh, plus ou moins bien. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à instruire notre conscience par les Écritures. Et comme l'apôtre Paul dit, aide-nous en tant que chrétiens à écouter notre conscience, à ne pas aller contre notre conscience, mais toujours vérifier si notre conscience comprend bien ce qui se passe, est en accord avec les Écritures. Guide-nous, Seigneur, cette semaine. On s'offre à toi. Prends-nous. Utilise-nous, Seigneur, pour faire connaître la vérité au monde dans lequel nous vivons. Glorifie-toi en nous et glorifie-toi par nous. Qu'on laisse, Seigneur, briller la lumière que tu as mise en nous, devant tous, afin que quelques-uns voient la lumière et se convertissent. Au nom de Jésus, amen.